mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Silence, ça tousse. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Les jeux de mots peuvent être nombreux, laissons-les à d'autres. Ici, on se rassemble juste pour savoir comment ça va. Ça va? La formule n'a jamais été autant d'actualité pour sûr. Pendant les attentats peut-être, mais ce n'était pas le même mal. Voilà quelques mois que le coronavirus a pris les armes, il nous mitraille et nous surprend. Et si on ne peut plus aller chez le fleuriste, visiter sa belle-mère, boire un godet en terrasse, eh bien on sèmera nos radis aux jardinières de nos fenêtres, on fera des Skype avec belle-maman, on les fabriquera chez nous, comme on peut nos terrasses, à la hauteur de nos moyens et de nos espaces. L'essentiel, c'est que nous aussi, nous prenions les armes. Mais attention, camarades, non, nous ne sommes pas en guerre. Je répète, non, nous ne sommes pas en guerre. Faisons donc barrière avec nos masques, fabriqués dans la vieille nappe à fleurs de mamie, avec nos gants de jardin, ou les gants roses moches, là, vous savez, ceux qu'on utilise pour laver les WC. Faisons donc barrière avec nos checks du coude, nos checks du pied, nos « salut, salut » à 1, 2 mètres de distance. Faisons barrière à ce fichu virus et profitons-en pour penser aux autres. Pour nous reconnecter à eux, apprendre à les connaître, puisqu'on a un peu de temps. Pensons à ceux qui n'ont pas le choix, qui vont travailler, quoi qu'il leur en coûte. Quoi qu'il leur en coûte. Soignantes et soignants, factrices et facteurs, livreuses, livreurs, cheminotes, cheminots, caissières et caissiers, éboueurs, boulangers, hommes et femmes de ménage, et tous les autres. Ceux qui mettent leur peur au placard pour apaiser la nôtre et pour que la vie soit la plus normale possible. Et pour que ça aille un peu mieux, pour faire au mieux, essayons de décortiquer ensemble cet ordinaire si extraordinaire. Tiens, prenons donc un moment pour se demander comment ça se passe en ce moment pour le voisin. Chez tous ceux que je ne connais pas et qui vivent comme moi cette période si bizarre. Ce podcast vous propose de briser un peu les solitudes et les lassitudes de nos confinements et de prendre de nos nouvelles les uns les autres. Toi, comment tu t'organises tous les jours pour pas virer taré? C'est quoi tes petites habitudes du confinement? Tu pensais vivre ça un jour? T'as peur? T'arrives à bien dormir? Tu cuisines un peu? Tu lis, tu mates des films, t'écris des lettres? T'appelles tes potes ou t'en profites pour hiberner? T'es confiné avec qui? Ton chat, ta belle-mère, ton coloc? T'en as pas marre de voir leur tronche tous les jours? T'écoutes le bilan aux infos tous les soirs? À ton avis, ça sera comment demain? C'est quoi dans la vraie vie ton travail? Et comment tu fais à distance? Allez, raconte un peu.